votre rap homme. Là où jamais tu peux si t'es pas un homme. C'est pas du rap si c'est dans les normes. Mon avenir est grand mais il tient dans la paume. Comme des bouddhas sur leur daronne qui ont raté leur fils. Autant illégal que ceux qui comme tels nous définissent. Leurs employés se défonnaissent, nous font la morale. Mais vais-ce qui le fils, la métaphore quand les choses sont crues. Toi tu te sens fort quand la chose est pure. À la vue de la chose t'as peur. Dans la vogue où j'avance, je regarde pas la chose. C'est des tapins, c'est rappeurs, des putes vulgaires. Ils font de l'anglaise, pas qu'un jus de bagarre. Quoi encore une fois de bâtard. Toi tu fous la mort, t'es un cafard. Extérieur du panard, comme Roberto ou comme Pavard. T'es pas un bon, t'es un bâtard. T'es pas éveillé, t'es juste bavard. Et tu fous le cafard, espèce de couvard que tu banaves. Tu cogites le soir, idée violette comme mon breuvage. Laissez-moi finir mon cap. Laissez-moi finir mon cap. Laissez-moi finir mon cap. Laissez-moi fumer ma dope. Je mets la guapo. Je mets la guapo. J'ai boule comme Wishy. Tacle à la gorge, arrêtez-vous bullshit, bouché en blanberie, bouché, touché. Ça m'a pas touché, je t'ai rendu le briquet, désolé j'ai pas pu vous niquer. T'as pigé, ce dossier j'ai checké, comme Chiquita, j'ai cassé mon chèque. Ta cousine est chicane, elle parle chic, elle est sur la béquille. Elle veut vos métis avec mâchoire carrée, comme dit André. Laissez-moi finir mon cap, laissez-moi finir mon cap. Laissez-moi finir ma dope, laissez-moi finir mon boom, laissez-moi finir. J'ai le matos, 808 je vais doumer. Avec R, on déplace de montagne. Je me serre de mon timbre, la ligne tape. Tu l'entends vu mon timbre, tu l'entends vu mon timbre. Par le mal mon tape, pour poteau de longue date. Ici on tenait ap, t'es qu'un rappeur lambda. Donne le plan et rentable, que des bons à ma table. Allez retour ma dame, dans les couilles des grammes. J'ai mis tout au détail, vu en prix comme bétail. Marche pas droit quand je suis taille, tire ta la paille. Higo dans la hélas, ça frappe fort qu'à Nélo. Parler, j'ai pas les mots. La con